matins, je vais manger chez Kentucky. Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Je pèse 350 livres pis j'ai de la misère à respirer. Mais tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Je prends un méga baril de poulet avec un sandwich du colonel. Avec un méga frites au poulet. De la salade de chou au plutonium. Des petits gâteaux tortelles qui goûtent le plastique avec une petite grosse liqueur. Oh! Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. J'pèse 350 livres pis j'ai de la misère à respirer. Mais tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Je reprends un autre méga baril de poulet avec une salade de choux. Avec un méga bâtonnet au poulet. De la salade de choux au plutonium. Des petits gâteaux tortelles qui goûtent le plastique avec une petite grosse cigare. Oh! Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. J'pèse 350 et puis j'ai de la misère à respirer. Mais tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Moi, je vais spogner une job chez Kentucky. Moi, je vais spogner une job chez Kentucky. J'pèse 750 et puis quand je respire, ça fait comme un sifflet. Mais tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Oui, tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, je vais manger chez Kentucky. Chanson du... Ben, câlisse.